بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد On commence donc aujourd'hui le cours 49 dans l'explication du livre de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah Kitab al-Tawhid avec le charh de son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et les commentaires de ce charh du Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On a commencé au cours 48, le dernier cours, on a commencé le chapitre 4, et c'est Bab al-Khawf min al-Shirk, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la crainte et la peur de commettre le shirk, et pourquoi on doit avoir peur du shirk. Et on a expliqué plusieurs points à ce sujet-là. On est rendu à expliquer maintenant quelque chose au sujet du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est le premier verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre, c'est le verset 48 dans Surat al-Nisa. Et il se répète également dans le verset 116, aussi dans Surat al-Nisa. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, c'est-à-dire qu'on lui donne des partenaires et des associés dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk, à qui il veut. Et ici, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, « Hada khabarun min Allahi subhanahu wa ta'ala, innahu la yaghfiru shirk, sawa'a kana shirkan akbar ou asghar, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, fashirku ghayru qabilin lil maghfira, wa hada yadullu ala khuturatihi. Baynama qala, عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها ثم يخرج أصحابها من النار إلى الجنة فمآل الموحدين إلى الجنة إما ابتداء وإما بعد تعذيبهم بالنار على ذنوبهم ومعاصيهم فلهم طمع في مغفرة الله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique premièrement que le verset dont on a parlé, le verset 48 et le verset 116 dans Surat An-Nisa, dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe qu'il ne va pas pardonner celui qui commet le shirk, peu importe que ce soit un shirk majeur ou un shirk mineur. Parce que le verset, il est général, c'est-à-dire qu'il mentionne ou il comprend les deux catégories de shirk, majeur et mineur. Bien entendu, il y a une différence entre le shirk majeur et le shirk mineur, et une des différences à ce sujet-là, c'est que celui qui commet le shirk majeur, eh bien, il sera en enfer pour l'éternité, tandis que celui qui commet le shirk mineur, eh bien, il ne sera pas en enfer pour l'éternité. Et il n'est pas considéré mécréant pour ça. Hein? Sauf qu'il a commis quelque chose qui est grave, plus grave que les grands péchés, puisque c'est quelque chose qui est qualifié comme étant du shirk. Et ici, le cheikh, il mentionne donc que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. » Et donc, il dit ici que le shirk, celui qui commet le shirk, une fois qu'il a commis ce shirk, c'est-à-dire le fait de faire de l'idolâtrie, d'adorer autre que Allah, hein, de vouer un culte ou une adoration quelconque à une autre chose ou à une autre personne autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, une fois qu'il a fait ça, eh bien, il ne peut plus être pardonné jusqu'à ce qu'il se soit repenti. Hein? Et s'il se repent du shirk et qu'il accepte l'islam et qu'il unifie Allah, Alors dans ce cas-là, oui, hein, s'il reste comme ça jusqu'à sa mort et qu'il se repent, il reste sur le tawhid jusqu'à sa mort, dans ce cas-là, oui, hein, il peut être il va être pardonné, inshallah, et éventuellement il sera au paradis. Mais celui qui meurt sur le shirk et qui ne se repent pas du shirk avant sa mort, eh bien, il est en enfer pour l'éternité, puisque Allah ne pardonne pas le shirk. Et ça nous indique quelque chose. Et c'est quoi? C'est le fait que le shirk, c'est la chose qui est la plus dangereuse qui soit. Il n'y a rien qui est plus dangereux pour le croyant que le shirk, puisque c'est le plus grave de tous les péchés. Ensuite, le cheikh, il explique donc le verset en disant, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il ne pardonne pas celui qui commet le shirk, et il fait suivre ça en disant وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, c'est-à-dire il pardonne tout ce qui est moindre que cela à qui il veut. Donc tous les péchés qui sont moindres que le shirk, eh bien ceux-là, hein, sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut pardonner à la personne, il va lui pardonner ce péché, mais s'il veut le châtier pour ce péché-là, il va le châtier. Puis éventuellement, cette personne sortira de l'enfer pour rentrer au paradis, parce que le paradis, c'est la destination finale des croyants. Hein? Donc, soit qu'il va aller en enfer, puis qu'il va rentrer au paradis pour être purifié de ses péchés, ou bien il va rentrer directement au paradis, hein, sans avoir subi de châtiment. Donc, c'est soit qu'il rentre directement au paradis, ou soit qu'il rentre au paradis après avoir subi un châtiment pour être purifié de ses péchés et de ses désobéissances. Mais même s'il entre en enfer, il aura toujours un espoir d'avoir le pardon d'Allah, parce qu'il est mort sur le tawhid, n'a pas commis de shirk avec Allah. Amma al-mushrik falaysa lahu tama'un fi maghfiratillah. Hein? Qannatahu Allah minhu wa qata'a tama'ahu li qawlihi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. وكلمة أن يشرك به يعني تعني كل شرك لا تخص نوعا من أنواع الشرك بل كل أنواع الشرك لا يغفر الله عز وجل لمن مات عليها ولم يستثني كما استثنى في آخر الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ولم يأتي بالمشيئة بينما جاء في قوله لأصحاب الكبائر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا يدل على خطورة الشرك وإذا كان بهذه الخطورة فكيف لا يخافه الإنسان على نفسه. Donc il dit le cheikh ensuite que en ce qui concerne le mushrik, il n'a pas d'espoir en le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a complètement coupé tout espoir, hein, d'obtenir le pardon et d'obtenir le paradis. Dans le verset, lorsqu'il dit, certes, Allah ne pardonne pas que quelqu'un fasse le shirk avec lui. Et quand il mentionne ici, un yushrak bihi, qu'il fasse le shirk avec lui, c'est-à-dire toute forme de shirk, il n'a pas distingué ou spécifié une catégorie de shirk ou une sorte de shirk par rapport à une autre. Toutes les formes de shirk et toutes les catégories de shirk ne sont pas pardonnées d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a commis ce shirk. Et il n'a pas donné d'exception, ou il n'a pas mentionné d'exception comme il l'a fait pour ce qu'il a dit à propos de celui qui commet un péché qui est moindre. Hein? Comme il a dit, par exemple, pour celui qui commet un péché qui est moindre que le shirk, il pardonne à qui il veut. Mais pour le shirk, il n'a pas dit qu'il pardonne à qui il veut. Il a mentionné de façon catégorique qu'il ne le pardonne pas. Hein? Et quand on dit tout péché qui est moindre que le shirk, ça veut dire n'importe quel péché que quelqu'un peut commettre. Comme par exemple, que ce soit le fait de tuer, de voler, de manger du porc, de boire de l'alcool, de faire le zina, ou tous ces grands péchés-là, Allah, celui qui meurt sur ces péchés-là sans s'être repenti, Allah peut leur pardonner s'il veut, ou bien il peut les faire entrer en enfer pour un certain temps, mais ils vont éventuellement sortir de l'enfer parce qu'ils ont cru en ce tawhid. ils ont reconnu ce tawhid. Hein? Ils ont cru en Allah uniquement, ils n'ont adoré personne d'autre que Allah et ils n'ont pas renié rien de ce qui est de ce qui fait partie des fondements de la foi. Donc ils sont des croyants, sauf que leur foi est faible. Ils sont des croyants qui sont faibles dans leur foi. Naam. Et c'est pour ça que, comme c'est mentionné dans les hadiths qui parlent de la shafa'a au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, hein, il va dire, faites sortir de l'enfer quiconque a une atome, le poids d'une atome, yani de foi dans son cœur. Faites sortir de l'enfer quiconque a un atome de foi dans son cœur. Et donc ils vont faire sortir de l'enfer les gens qui ont eu une foi très faible, même si c'était le poids d'un atome, c'est-à-dire ils sont restés sur le tawhid, ils vont sortir de l'enfer. Et il va même mentionner, il va dire, yani faites sortir de l'enfer, akhrijou minan nar man kana adna mithqala dharratin min iman. Yani faites sortir de l'enfer celui qui avait plus petit, yani que même que la plus petite particule d'un atome de foi. Hein? Donc ça nous montre en même temps la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon. Du moment que quelqu'un n'a pas commis de shirk et qu'il est resté sincère et véridique sur la ilaha illallah et qu'il rentre en enfer, même s'il avait commis des péchés immenses, mais tant que ce n'est pas du shirk, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Donc, ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh il dit... Ça nous montre que le shirk est extrêmement dangereux. Hein? Et étant donné que quelqu'un, une fois qu'il a compris à quel point le shirk est dangereux, comment il ne va pas avoir peur de commettre le shirk? Hein? Si quelqu'un il a compris à quel point ce shirk-là il est dangereux, comment il ne va pas avoir peur de tomber dedans? Comment il ne va pas avoir peur de le commettre? Ensuite, il mentionne, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il mentionne une parole de l'imam al-Nawawi dans la suite qui explique par exemple le sens par rapport à ce verset-là. Et il dit « قال النووي رحمه الله أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده أو ما يكفر ما يعني ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات على غير وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به أما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به ولكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مسرا عليها دخل الجنة أولا أما وإن كان صاحب كبيرة مات مسرا عليها فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. Donc ça c'est la عقيدة أهل السنة والجماعة à ce sujet. Et l'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit dans cette citation? Il résume extrêmement bien le sujet. Et il dit, en ce qui concerne l'entrée du mushrik en enfer, ça c'est de façon générale. Et il entre en enfer et il y demeure éternellement. Il n'en sortira jamais. Et quand on dit le mushrik, eh bien ça comprend hein, tous ceux qui sont dans le shirk et dans le kufr, peu importe hein, les catégories de kufr ou de shirk. Et il donne des exemples. Il dit, il n'y a pas de différence entre dans les catégories de mushrik, il n'y a pas de différence entre celui qui est kitabi, c'est-à-dire qui a reçu un livre précédent, comme les juifs et les chrétiens, une fois qu'ils ont reçu leur livre et qu'ils l'ont contredit, ou qu'ils ont contredit leur prophète, ou qu'ils ont contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont refusé de croire en lui, ou refusé de croire en Jésus et en Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme les juifs, ou qu'ils ont refusé de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme les juifs et les chrétiens, hein, qui eux, les chrétiens, ont cru en Jésus mais ont refusé de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de ça, ils ont commis le shirk de croire en la Trinité, c'est-à-dire de croire que Dieu est une personne en trois ou trois personnes en un, et de dire que Jésus était Dieu ou fils de Dieu, et également, donc, il n'y a pas de différence entre ces catégories-là, qu'on appelle les kitabiyoun, ceux qui ont reçu le livre, et les adorateurs des idoles, parmi les autres kuffars, peu importe que ce soit des hindous, ou des bouddhistes, ou bien des animistes, ou bien des adorateurs d'idoles, ou peu importe, ceux qui adorent les morts et les tombes. Al-kufru millatun wahida, exactement. Le kufr, c'est une seule et même religion, même si elle a mille visages. C'est-à-dire, la mécréance, elle a mille visages. Elle peut se manifester de millions de façons différentes, mais n'empêche qu'elle n'est qu'une seule et unique voie. C'est la voie de l'égarement et la voie de l'enfer. Donc ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des musulmans qui disent, non, les juifs et les chrétiens, ce sont nos frères, ce sont des croyants, ce ne sont pas des kuffars, ce ne sont pas des mushrikines. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la signification de shirk et la signification du mot kufr. S'ils avaient compris la signification de ces mots-là, ils n'auraient pas hésité une seconde à comprendre et à dire que ces gens-là ne sont pas musulmans ou ne sont pas des croyants. Ensuite, il dit, le cheikh, il n'y a pas de différence non plus entre les gens. ولا فرق بين أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. Il dit, il n'y a pas de différence non plus pour les gens de la vérité entre celui qui est mécréant par opposition et par le fait qu'il renie ou qu'il rejette avec obstination et avec orgueil la vérité, ou d'autres catégories de mécréants qui ont peut-être renié la vérité, non pas par opposition, mais par ignorance ou bien par d'autres façons. Il y a différentes catégories de kufr et on va mentionner quelque chose à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il dit, il n'y a pas de différence non plus par rapport à celui qui rentre dans la catégorie de celui qui est mushrik, entre celui qui est, par exemple, musulman de naissance ou qui prétend être musulman et qui contredit la religion de l'islam en faisant quelque chose qui est kufr ou en faisant quelque chose qui est shirk ou en reniant quelque chose de la religion une fois qu'il l'a renié. Il a commis quelque chose qui fait partie des annulatifs de l'islam ou qui rentre dans les choses qui rendent quelqu'un mécréant. Il n'y a pas de différence dans toutes ces catégories-là, qui sont des mushrikines, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui se disent musulmans, mais qui prient à des morts et qui adorent des tombes, et qui imitent les juifs et les chrétiens dans ça. Donc, ceux-là aussi, même s'ils se disent musulmans, ils rentrent dans la catégorie des mushrikines. Et il dit, « Amma dukhulu man mata ghayra mushrikin » en ce qui concerne l'entrée de celui qui n'a pas été parmi les mushrikines, et le fait qu'il va rentrer au paradis, ça c'est quelque chose qui est certain. Celui qui meurt sans avoir été mushrik et sans avoir commis de shirk, ça c'est quelque chose qui est certain et qu'on peut dire avec détermination et avec certitude. Sauf que celui qui commet un grand péché et qui persiste à le faire et qui meurt sur ce péché-là sans s'en être repenti avant sa mort, il va. Donc ici, le cheikh, l'imam al-Nawawi, il dit, celui qui ne fait pas partie des gens qui ont fait des grands péchés, qui sont morts sur un péché en persistant à le faire, eh bien, c'est celui-là, il va rentrer au paradis directement. C'est-à-dire, il meurt sur l'islam et sur le tawhid et sans avoir persisté à commettre un grand péché. C'est-à-dire, il s'est repenti de son péché avant sa mort. Hein? Eh bien, celui-là, il va rentrer au paradis directement. Il dit, tandis que celui qui parmi les musulmans, a commis un grand péché sur lequel il persistait et sur lequel il est mort sans se repentir, celui-là, il est sous la volonté d'Allah, dans le sens que si Allah veut, il va lui pardonner ce péché-là et le faire rentrer au paradis directement, ou il va décider de le châtier pour un certain temps dans l'enfer, puis éventuellement le faire sortir de l'enfer et le faire rentrer au paradis pour y demeurer éternellement. Donc ça, c'est la fin de la citation de la parole de ce que l'imam al-Nawawi a mentionné à ce sujet-là. Maintenant, ça fait partie de ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a cité dans son charh de ce chapitre. On va lire maintenant le commentaire du Cheikh Al-Fawzan à propos de ces phrases que l'imam al-Nawawi a mentionnées. Il y a des points importants à analyser. Le Cheikh, il dit par exemple, en ce qui concerne le fait que le Cheikh, il dit, il n'y a pas de différence par rapport aux mushrikin entre les gens du livre, que ce soit des juifs ou des chrétiens, ou des gens qui adorent des idoles, et les autres parmi les kuffars et les mushrikins. Donc, il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, « وَمِنَ النَّاسَ الْأَنَّ مَنْ يَقُولُوا إِنَّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ مُؤْمِنُونَ وَلَا يَجُوزُ تَكْفِيرُهُمْ وَهَذِهِ رِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَفِّرَ الْكَافِرَ مَنْ لَمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَفِّرَ الْكَافِرَ وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرَ الْكَافِرَ فَهُوَ مِثْلُهُ اليهود والنصارى على وضعهم الحاضر وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن اتباعه وتكذيبهم لرسالته هم كفار وهم من أهل النار إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتوبوا ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يقول إنه لا يجوز تكفيرهم هذا إما أنه جاهل وإما أنه مغالط والعياذ بالله فيجب عداوة اليهود والنصارى واعتقاد أنهم كفار كيف نقول إن اليهود مؤمنون وهم يجحدون نبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون في حق الله المقالات الشنيعة والعياذ بالله وكيف نقول إن النصارى مسلمون وهم يقولون المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله كيف نقول إنهم مؤمنون وأنهم أهل دين وننادي بالتقارب بين الأديان الثلاثة يعني نقرب بين الكفر والإيمان لا يقول هذا إلا جاهل لا يعرف الدين أو أنه يعرف ولكن معاند ولكنه معاند ومخالف لدين الله عز وجل فهذه والعياذ بالله ظاهرة قبيحة ظهرت في هذا الزمان وهي الدعوة للتقارب والحوار بين الأديان الثلاثة ولا فرق بين اليهودي والنصراني وعبدة الأوثان وسائر الكفرة يعني كلهم كفار والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique ici que les gens parmi les gens aujourd'hui, il y en a qui disent, hein, certains musulmans disent, يعني les juifs et les chrétiens ce sont des croyants. C'est pas permis de les déclarer mécréants ou kuffars. Et le cheikh dit ça, en réalité c'est une forme d'apostasie. Celui qui dit ça, en réalité, il a apostasié de l'islam. Il a renié sa foi en l'islam en disant ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas déclaré mécréant celui qui est mécréant. Et il n'a pas... Donc, celui qui ne déclare pas mécréant celui qui est mécréant, et on parle ici du mécréant qui est à la base mécréant, eh bien, il y a un c'est-à-dire qui est né dans une religion autre que l'islam, et il a cru en cette religion-là, donc celui-là, il est kafir. Hein? Celui qui ne veut pas le déclarer mécréant ou qui ne veut pas dire à son sujet que c'est un kafir, ça veut dire qu'il a un doute en sa foi. C'est-à-dire qu'il a un doute en la véracité de l'islam. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne que ces gens-là sont des kuffars. Donc, soit qu'ils ne croient pas en Allah, ce que Allah a dit à leur sujet, ou soit que Yani, ils pensent que leurs croyances sont vraies, sont bonnes. Hein? Dans les deux cas, yani, ça c'est du kufr. Et donc, les juifs et les chrétiens, si on regarde leur état actuel, et surtout après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'ils se sont détournés de vouloir le suivre, et qu'ils ont renié son message et l'ont traité de mensonge, alors c'est clair que ce sont des koufars. On ne peut pas dire de gens qui agissent de cette façon que ce sont des croyants. Hein? Et par conséquent, ce sont des gens de l'enfer s'ils ne se repentent pas à Allah avant leur mort et qu'ils n'acceptent pas de suivre le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dit, il n'est pas permis de déclarer les juifs et les chrétiens de mécréants, soit que c'est un ignorant, ou soit que c'est une personne qui fait intentionnellement une erreur. Hein? Il suit intentionnellement ce qui est faux. Donc c'est obligatoire pour un musulman d'avoir une opposition, hein, et une opposition avec les juifs et les chrétiens et de croire que ce ne sont pas des croyants, que ce sont des mécréants. Et il dit, comment quelqu'un pourrait-il dire que les juifs sont des croyants, par exemple? Alors qu'il renie le fait que Isa, Jésus, fils de Marie, est un prophète. Et il renie également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement envoyé d'Allah. Et ils disent à propos d'Allah toutes sortes de propos qui sont extrêmement dégoûtants et laids. Hein? Wala'iyadhu billah. Comment on pourrait dire que ce sont des croyants alors qu'ils sont dans cette situation-là? Et de même que les chrétiens, comment pourrait-on dire que ce sont des croyants ou que ce sont des musulmans, alors qu'ils disent que Jésus est fils de Dieu, ou qu'il fait partie d'une trinité avec Dieu, ou qu'il est Dieu lui-même incarné, comme ils le disent, hein? Dieu qui s'est fait chair, soi-disant, comme ils le disent. Donc, comment pourrait-on croire que ces gens-là sont des croyants, hein? Ou que ce sont des gens qui sont sur une religion? Donc, ceux qui appellent aujourd'hui au rapprochement entre les trois, soi-disant, les trois grandes religions, comme ils disent, hein? Alors il dit le cheikh, ça veut dire quoi ça? Qu'on va rapprocher entre la mécréance et la foi. Et on va essayer de faire un rapprochement entre la mécréance et la foi, entre le kufr et l'iman, le shirk et l'iman. Hein? Il dit, il n'y a personne qui peut dire ça, excepté un ignorant qui ne connaît pas la religion de l'islam. Hein? Ou bien qu'il connaît la religion de l'islam, mais qu'il est quelqu'un qui s'obstine ou qui s'oppose à la vérité et qui contredit la religion d'Allah. Hein? Et c'est ça, wal'iyadhu billah, cette manifestation qu'on voit, hein? Ce phénomène qui est apparu à notre époque, qui est extrêmement laid et qui montre en réalité, hein, un égarement de la religion. Et le cheikh, il dit que ça, c'est cet appel qu'on appelle da'watu lit-taqarub, c'est-à-dire l'appel à un rapprochement ou à un dialogue, soi-disant, entre les trois grandes religions. Et que, de dire que, par exemple, il ne faut pas faire de distinction entre les juifs et les chrétiens et les musulmans. Les trois sont sur la vérité. Les trois sont corrects. Hein? Et le cheikh, il dit, non, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les chrétiens et les mushrikines, les idolâtres. Hein? Que ce soit quand tu regardes, tu rentres dans une église, tu ne peux pas distinguer, tu ne peux pas savoir si tu es dans un temple hindou ou dans un temple bouddhiste, ou bien dans une autre religion, parce que ces gens-là, ils ont remplacé les enseignements d'Abraham et de Moïse par les croyances des païens et des idolâtres romains et grecs qui croyaient en toutes sortes d'idées comme ça, de divinité des êtres humains. Vous savez qu'à l'époque de Jules César, c'était l'empereur de Rome, il s'est déclaré lui-même, ou bien son fils l'a fait déclarer divinité. Il l'appelait le fils de Dieu. Hein? Donc ça, c'était avant Jésus. Hein? Et après que Jésus fut élevé aux cieux par Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et que les gens qui ont suivi Paul ont déformé, hein, la religion que Isa alayhi salam a enseignée, et qu'ils en ont fait une religion totalement différente, eh bien, ils ont copié les propos et les idées de ces Romains-là qui croyaient que Dieu avait des fils, et yani, ils ont interpréter ça de cette façon-là pour attirer les Romains, pour attirer les Romains et les Grecs, hein, qui croyaient en ces idées-là. Donc ça, c'est clair que c'est totalement faux. Et c'est pour ça que beaucoup de Juifs ont refusé d'accepter ce message-là parce que eux-mêmes, ils savent, les Juifs, que Dieu ne peut pas être un être humain. Hein? Ils savent ça. Et donc, quand ils ont entendu ce message-là, ils l'ont renié. Surtout que ces chrétiens-là, hein, qui suivaient Paul, ils appelaient à ne pas respecter la loi. Hein, la loi qui était révélée à Moïse. Et de suivre les préceptes de l'enseignement, hein, des prophètes. Alors, c'est normal qu'ils l'ont renié et qu'ils l'ont rejeté d'une certaine façon si ils ont reçu le message de manière déformée comme ça. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il a clarifié la vérité à propos de Isa alayhi salam et qu'il a expliqué que ce n'était pas, hein, ce que les chrétiens prétendent, ce n'est pas un fils de Dieu, ce n'est pas Dieu incarné, ce n'est pas Dieu en trois en un ou des choses de ce genre, non. Malgré ça, ils ont continué à renier le message de Isa alayhi salam et ils ont refusé de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'était pas juif. Hein, parce qu'il n'était pas de la descendance de Ishaq. Il était de la descendance d'Ismaïl. Et donc, eux, ils ont été jaloux et ils ont refusé d'accepter la vérité à cause de ça. Nasallallahu al-afiyah. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, « Wa la farqa inda ahli al-haqqi bain al-kafir al-mu'anid al-ladhi ya'rifu al-haqq walakinahu anadahu وأبى أن يتبعه وبين الكافر عن جهل لأنه مطلوب منه أن يتعلم وأن يسأل عن الدين أما كونه يعرض ويبقى على ما هو عليه فهذا ليس له عذر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل بعد إرسال الرسل انقطعت المعذرة قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فبإرسال الرسل قامت الحجة وزال الجهل وانقطعت المعاليل. Ici le cheikh il mentionne un point qui est extrêmement important et c'est le fait que les gens de la vérité, c'est-à-dire les gens du tawhid et de la sunna, ils ne font pas de distinction entre la personne qui est mécréante par opposition à la vérité et celui qui est mécréant par ignorance. Parce qu'il y a cette catégorie de musulmans qui ne comprennent pas la réalité ou qui comprennent pas ou qui connaissent pas réellement les principes de la croyance islamique. Et eux, quand on parle avec des koufars, eux, ils disent, écoute, faut pas dire koufar. Parce que eux, ils ont pas opposé l'islam ou ils ont pas renié l'islam. Ils le connaissent pas. Donc, c'est pas des koufars. Ils disent, les koufars, c'est seulement ceux qui ont connu l'islam et qu'ils l'ont opposé ou rejeté. Hein? Alors que la vérité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, hein, et qui n'y a pas cru, qui ne l'a pas connu, il n'est pas considéré musulman tant qu'il n'a pas prononcé le témoignage de la ilaha illallah. Quelqu'un qui n'a pas prononcé le témoignage de la ilaha illallah, il n'est pas considéré musulman. Donc, demandez à ces gens-là qui disent « Non, on ne peut pas dire que ces gens-là sont des koufars. » Demandez-leur, qu'est-ce qu'ils sont? Et il y en a un qui m'a dit une fois « Non, ce n'est pas des koufars, mais c'est des non-musulmans. » Il dit « Mais c'est quoi la différence entre un kafir et un non-musulman? Les deux, c'est la même chose. Tu veux dire à propos du musulman que c'est un non-mécréant, un non-kafir? » Ça fait aucun sens qu'est-ce que ces gens-là prétendent ou qu'est-ce que ces gens-là disent. Quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est un kafir. Et quelqu'un qui est kafir, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Hein? Que tu l'appelles non-musulman ou mécréant, dans les deux sens, c'est la même chose. Hein? Sauf qu'ils n'acceptent pas le terme que Allah a mentionné à leur sujet, qui est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, le terme kufr, kafir, kuffar, kafiroun, kafirin. Il est mentionné de yani kafar, kafara. Il y a différentes formes. Fajara, mushrik, mushrikoun, mushrikin, et ainsi de suite. Il y en a plein de termes qui sont employés pour les décrire. Il y a plein d'exemples de ça dans le Coran. Donc, on n'a pas besoin de commencer à utiliser d'autres termes que ceux qui ont été employés dans la révélation par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce sujet-là. Et en même temps, un kafir peut être un kafir par opposition. Et il peut également être un kafir par ignorance. Mais on ne va pas dire qu'il est musulman juste parce qu'il est ignorant. Hein? Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا ». C'est-à-dire, si un d'entre les mushrikines, il te demande de le protéger, c'est-à-dire de le laisser entrer, de le laisser passer en sécurité, de pas que personne va lui faire quoi que ce soit. Alors il dit, alors donne-lui la sécurité et la protection, yani, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Hein? Puis ensuite, amène-le à son lieu de sécurité. Et quand tu regardes ce verset-là, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que ces gens-là sont des mushrikines alors qu'ils n'ont jamais entendu le Coran. Hein? وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas entendu Kalam Allah avant. Ils n'avaient pas entendu la parole d'Allah. Et malgré tout, Allah les a qualifiés de mushrikines. C'est-à-dire qu'on peut qualifier des gens qui n'ont pas entendu la religion parler de la religion d'Allah ou de l'islam ou du Coran. On peut les appeler kuffar et mushrikines. Hein? Ce n'est pas une condition qu'ils aient la connaissance. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les autres messagers pour justement couper cette excuse aux mushrikines et aux kuffars du fait qu'il leur a envoyé des messagers pour qu'ils puissent justement établir contre eux la preuve. Et le verset 165 à ce sujet dans Sourate An-Nisa est clair. Hein, des messagers qui sont envoyés par Allah comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et comme avertisseurs d'un châtiment pour qu'il n'y ait plus d'arguments pour les hommes devant Allah après que les messagers aient été envoyés. Bien entendu, il y a une distinction que les ulama ont faite entre, par exemple, celui qui est ignorant parce qu'il n'a jamais entendu la vérité et il n'a jamais eu la possibilité ou la capacité de trouver le message. Hein? Donc les ulama, ils les qualifient ou ils les classent dans la catégorie de ce qu'on appelle Ahlul Fatra. Ahlul Fatra, ça veut dire ceux qui font partie de ceux qui n'ont pas reçu de messager. Et les ulama ont dit que ceux-là, par contre, sont des kuffars et des mushrikines, mais ils auront un test particulier au jour de la résurrection. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va pas châtier un peuple sans qu'il leur ait envoyé un messager. Comme il le mentionne dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc si quelqu'un n'a pas reçu le message, il ne va pas le châtier en enfer tant qu'il n'ait reçu le message. Et donc, ces gens-là auront, au jour de la résurrection, un jugement particulier. Mais n'empêche que ce sont, dans cette dunya, sont pour nous des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en l'islam, ils n'ont pas déclaré leur foi en l'islam. Naam. Et ensuite, le cheikh, il dit, yani que. Donc, par le fait d'avoir envoyé les messagers, la preuve a été établie et l'ignorance a été éliminée et les excuses et les raisons, hein, leur raison a été yani coupée. Ensuite, par rapport à l'autre point qu'il a mentionné en ce qui concerne l'entrée de celui qui est mort sur l'islam, qui n'a pas commis de shirk et qu'il va entrer au paradis, ça c'est quelque chose qui est définitif et qui est certain. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, la farqa, ben, ah, non, ça c'est l'autre point, pardon. C'est lorsqu'il mentionne, par exemple, celui qui a contredit la religion de l'islam alors qu'il en fait partie, c'est-à-dire il fait partie de l'islam, il fait partie des musulmans, sauf qu'il contredit les fondements de la croyance de l'islam, le tawhid et l'iman. Alors, dans ce cas-là, il est considéré parmi les mushrikines et les kuffars, même si yani, il se dit musulman ou même s'il fait partie des musulmans. Donc, il n'y a pas de différence entre celui qui yani, est musulman et qui renie l'islam et celui qui fait le shirk et le kufr. Yani, parce qu'il est d'une autre religion. Et la preuve, le cheikh dit à ce sujet-là, voilà, fala farqa bayna al-kafir al-asli al-baqi ala kufrihi ou al-kafir al-murtad alladhi aslama thumma irtadda an din l'islam. Donc il n'y a pas de différence entre le mécréant qui est à la base sur une religion autre que l'islam, sur le kufr, et qui reste sur le kufr, et celui kafir par apostasie, c'est-à-dire qu'il avait cru en l'islam, puis que par la suite il a quitté l'islam et il est sorti de la religion musulmane. Donc les deux catégories, hein, ces deux catégories-là sont yani ensemble dans le fait que ils sont mushrikines, et s'ils meurent comme ça, sans se repentir, eh bien c'est clair qu'ils n'auront pas d'espoir d'entrer au paradis comme on l'a mentionné. Ensuite, il dit, par rapport à l'autre point de celui qui est mort sur le tawhid, sans avoir été mushrik, c'est certain qu'il va être au paradis. Le cheikh, il dit à ce sujet-là, « دخول الجنة مقطوع له به ولكن إن كان ليست عنده كبائر دخلها من أول وهلة وإن كانت عنده كبائر فهو تحت المشيئة إن شاء عفى الله عنه ودخلها من أول وهلة وإلا عذب ثم دخل الجنة. » Donc il dit, le cheikh, que celui donc qui meurt sur l'islam et qui n'a pas commis de shirk, donc on dit qu'il va être yani, au paradis, ça c'est certain. Hein? Mais si il n'a pas de yani, il dit, s'il n'a pas fait de grands péchés, il va rentrer directement au paradis. Mais s'il a commis des grands péchés, alors là, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner ses péchés et le faire rentrer directement au paradis, ou sinon il va le châtier, puis ensuite il va le faire rentrer au paradis par la suite. Et en ce qui concerne donc cette citation, le cheikh il dit « هذا الذي ذكره النووي وهو عقيدة أهل السنة والجماعة » Il dit « c'est ce que l'imam al-Nawawi a mentionné ici, et ça c'est la عقيدة de أهل السنة والجماعة. » Donc on voit que ici l'imam al-Nawawi Rahimahullah, il a supporté dans cette citation la aqida, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Malgré que dans certaines questions, par exemple, comme la question des noms et des attributs, il a déformé le sens de certains attributs à la façon des Asha'ira dans la façon de faire le ta'wil. Et ça, c'est clair que c'est une erreur de sa part, et que Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne pour ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est incorrect. Sauf que ici, dans cette question-là, c'est clair qu'il a bien clarifié la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne les gens qui ont commis des grands péchés et la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a à leur sujet. Naam. Donc, on va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui. Puis, au prochain cours, on continuera la suite de l'explication. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.